Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radioactive, bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité locale. Aujourd'hui dans ce MAG, direction le Centre d'art et de nature du domaine de Chaumont-sur-Loire, où se déroule du 4 au 8 octobre la 6e édition de l'événement « Quand fleurir est un art » consacré à l'art floral. En effet, les derniers propriétaires privés du château de Chaumont-sur-Loire, le prince et la princesse de Broglie, étaient de grands amateurs de plantes et entretenaient des collections d'orchidées et de plantes vertes exotiques qui leur valurent de nombreuses récompenses dans les concours horticoles de la Belle Époque. C'est donc tout naturellement que Chantal Colleux-Dumont, à la fois directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire, mais également passionnée de fleurs, a tenu à poursuivre cette histoire en permettant aux artistes floraux d'aujourd'hui de mettre leur savoir-faire et leur créativité au service d'un savoir-vivre exceptionnel, associant l'art et le végétal au nom de la beauté. Ce rendez-vous, quand fleurir est un art, vous donne donc une belle opportunité de parcourir les différents espaces du château et des écuries pour y découvrir des créations plus époustouflantes les unes que les autres et rencontrer les grands artistes décorateurs du végétal, français et étrangers, comme l'espagnol Pere Padros, le hongrois Gabor Nagy, mais aussi un éventail des meilleurs ouvriers de France, à l'image de Stéphane Chanteloup, Frédéric Dupré, Charline Priskalov, Isabelle Bretomé, ou encore le breton Michael Rowe qui, vous vous en doutez, aura glissé quelques hortensias de saison dans sa composition. Ainsi, guidée par Chantal Colleux-Dumont, nous avons donc pu observer des pièces spectaculaires dont certaines ont demandé plus de 200 heures de travail à leur créateur. Des installations florales contemporaines et poétiques respectant l'esprit des lieux. Gary Taffin, professeur à l'École nationale des fleuristes, nous décrit celle sur laquelle il a travaillé avec ses étudiants. Le but était de ramener la nature dans le château et de donner un côté très aérien, en lévitation. De ramener vraiment ce côté nature dans le château, et de retravailler. Quand je suis venu visiter, j'ai vu que sur le lustre, il y avait des écailles faites en pâte de verre, et de retravailler ce principe avec le pandanus, qui est un élément que l'on utilise beaucoup aujourd'hui, parce que c'est un élément qui traîne dans le temps, qui est de saison, et qui nous a permis de recréer des formes, d'accumuler différents éléments, pour aussi accueillir nos fleurs et les hydrater, bien sûr. Le but, c'est vraiment d'avoir ce côté très féerique, avec les papillons, voilà, la source de vie, la pollinisation, le travail du végétal et le travail des couleurs pour s'harmoniser au maximum dans la pièce de ce cabinet de travail. Gary Taffin était en effet présent avec ses collègues Marc Doise et Cathy Kosek de l'École nationale des fleuristes de Paris pour accompagner leurs étudiants dans la mise en place des œuvres. Une collaboration précieuse qu'ont tenu à souligner Chantal Colleux-Dumont et Frédéric Dupré, médaillé d'or en 2023. Vous remarquez ce travail d'encadrement de jeunes et je trouve extraordinaire. Vous êtes jeune vous-même et vous travaillez avec des beaucoup plus jeunes qui défendent ce métier qui est un métier d'art et qui est un métier magnifique. Déjà, je remercie les étudiants parce que c'est un échange. Hein. Je dis souvent que quand on a des grosses missions comme ça, bien sûr, c'est moi qui décide de tout, mais tout seul, on n'est rien. Donc sans nos assistants, nos petites mains ou les étudiants, voilà, on ne peut rien faire. À l'issue de la visite et après un moment d'échange commun, Stéphane Chanteloup, meilleur ouvrier de France fleuriste en Auvergne, a répondu à nos questions. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu toutes les distinctions que vous avez eues ? Donc, je suis fleuriste depuis bientôt 30 ans, avec un CAP et un BP en poche. J'étais champion de France en 2011, meilleur ouvrier de France en 2018 et plus récemment, je viens de participer à la Coupe du Monde des fleuristes à Manchester en septembre 2023. Le fait d'être invité au château de Chaumont, pour vous, c'est quelque chose d'important qui vous motive ? Oui, d'être invité au château de Chaumont aujourd'hui, on va dire c'est une victoire. C'est un moment très agréable à partager avec mes collègues meilleurs de France et d'être aussi bien accueilli ici dans les jardins, dans l'art floral, tout ce qui dégrève de notre métier. C'est vrai que c'est un bonheur, on nage dans le bonheur. Est-ce que vous avez, vous, un style qui se discerne en matière de création florale ? En matière de décoration florale, je suis très axé sur la partie fleurs. J'adore le végétal. Souvent, toutes mes structures sont réalisées à base de végétal ou dénaturé ou restructuré. Et après, le travail de la fleur vient reprendre le pouvoir dessus. J'adore le végétal, surtout le végétal français. Vous pouvez nous parler un petit peu des créations qu'on va découvrir, dont vous êtes l'auteur ? Oui, je suis l'auteur avec mes apprentis, puisque je représente aussi une école en même temps, qui est le CFA de Marmilla, sur Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et donc, on a des apprentis qui sont avec nous. On a travailler sur la première pièce, c'est la chambre Rougierie. Donc c'est un lit de paille qui vient se sublimer par un décor végétal dessus avec des gloriosa et des craspedia qui viennent en légèreté et en lévitation sur cette structure avec aussi des graminées. Et toutes les petites sphères de craspedia représentent les planètes. Et par rapport à Rougierie, on trouvait ça très intéressant de marquer l'endroit et l'espace de la chambre. Et en plus, vous l'expliquiez lors de la visite, ça va être un petit peu évolutif parce que justement les fleurs, elles vont éclore. Oui, cette composition va être évolutive puisqu'elle a été réalisée entre aujourd'hui, hier et un petit peu ce matin. Et au fur et à mesure de la chaleur, au fur et à mesure d'évolution des jours, la fleur va reprendre le dessus et va continuer à s'ouvrir, s'épanouir. Donc la fleur, il n'y a pas une journée où la composition va être la même. Alors quelque chose qui est aussi très sympa qu'on retrouve ici, c'est une ambiance. C'est de se retrouver aussi avec les autres meilleurs ouvriers de France qui sont vos collègues. C'est une belle dynamique. Oui, de se retrouver tous ensemble ici aujourd'hui, c'est une dynamique. On vient des quatre coins de la France et il est très intéressant de se retrouver tous ensemble parce qu'on a la même passion, la même envie, c'est le métier, c'est la fleur, c'est ce qui nous fait vibrer. Et de se retrouver tous ensemble ici, oui, c'est un moment magique. Alors qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs de Radioactive pour les inciter à venir à Chaumont pour découvrir toutes ces magnifiques créations florales? L'avantage pour les visiteurs, c'est que déjà, ils vont pouvoir retrouver différents univers. On est 5 ou 6 meilleurs ouvriers de France avec un style très particulier, donc ils vont découvrir. Ils ne pourraient pas nous découvrir ailleurs, puisqu'on est là rassemblés sur ce lieu en grand public. Ailleurs, après, c'est que dans le privé ou dans le domaine professionnel, donc on ne peut que les conseiller. Et puis après, venir visiter tous les jardins, c'est un lieu qui est magique et magnifique. Merci beaucoup Stéphane Chanteloup. Merci à vous, bonne journée. Quand fleurir est un art, un événement à ne pas rater du 4 au 8 octobre au domaine de Chaumont-sur-Loire. Des démonstrations d'art floral et des ateliers seront proposés samedi 5 et dimanche 6 octobre par Frédéric Dupré et Charline Priskalov, tous deux meilleurs ouvriers de France. Les démonstrations d'art floral, qui seront gratuites, auront lieu le matin de 11h à midi. Les ateliers, quant à eux, seront payants et se dérouleront l'après-midi de 16h à 17h30. Mais notez bien que si vous y participez, vous repartirez avec vos propres créations. C'est la fin de ce mag. Très bon week-end à tous sur Radioactive.